Des Sabres de Robertval avec l'instructeur-chef Jason Lajeunesse. Deux matchs contre les Aiglons d'Allemagne en fin de semaine. Salut Jason! Jason, bien, comment ça a été en fin de semaine? Ça a bien été, malgré les deux défaites. Là, on a joué deux excellents matchs en fin de semaine contre les Aiglons d'Allemagne. Peu importe le score, là, on était encore en match hors concours. Ça ne changeait rien pour nous autres. Là. On voulait juste s'améliorer de match en match. Puis je pense que c'est ce qu'on a fait. OK. Comment ça s'est soldé par la première rencontre? On a perdu 6 à 4 dans le match. On a donné peut-être 2 ou 3 mauvais buts là, qui n'auraient peut-être pas dû être donnés. Fait que, ça aurait peut-être pu changer le match un petit peu. Fait que, ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. On a aussi très bien débrouillé. Puis dans le second, on a joué de malchance. Le Mathieu Duquette, le gardien de but des Aiglons, là, a fait un travail incroyable. On a lancé 53 reprises. On a scoré seulement 2 buts. On a perdu 3-2 dans ce match. C'est ce que ça s'appelle. Puis on a très, très bien réalisé. Très bien performé. Ça s'appelle vraiment là être battu par un gardien lui tout seul. Ouais, là, c'est rare qu'on puisse dire ça dans le junior 2A, là, mais je pense que lui, il a fait la différence là, dans ce match-là. C'est un match sur concours. Fait que nous autres, on avait joué un bon match, puis on était bien, bien content, bien fier des joueurs là, après la rencontre. Okay. Je pense que aussi les joueurs dans leur tête eux autres, c'est quasiment une victoire pour eux autres. Là. Je veux pas là, il a été vraiment bon, puis il a fait la différence. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il était de l'autre bord. Ouais. Mais faut dire que l'équipe repart de loin, parce que le Royal de Metametron, vous reprenez l'équipe du Royal, c'était pas fort l'année passée. Là. Même si vous avez une bonne équipe, même si vous avez quand même une bonne équipe de direction, puis on voit vraiment que l'équipe, et puis il y a un engouement à Robertval, à quelque part sur la glace, là, si vous prenez un peu ce que la Royal a fait, puis c'était dur l'année passée. Là. Ouais, c'était dur, mais je pense que là, les joueurs veulent venir jouer à Robertval. C'est peut-être là la grosse différence. On est joué peut-être à 6 avant, comme ils jouaient l'année passée, 4 défenseurs, à 10-12 joueurs. Là, j'ai pas joué un match en bas de 17 ou 18 joueurs. C'est toute la différence. OK. Là, il te reste quoi à travailler? Les unités spéciales, ça dit quoi? Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est vraiment, une unité spéciale en attaque à 5, là, c'est vraiment ça qu'il faut travailler, là, cette semaine, parce qu'on a, on a des chances, mais la rondelle, elle veut pas y aller. Il faut travailler ça. Défensivement, c'est par rapport à la semaine passée, on avait donné 18 buts en 2 matchs, tandis que c'est en fin de semaine. On a donné 9 buts, on a seulement 2 matchs. Fait qu'on a coupé la poire en 2. Fait que c'est déjà bon. On s'est quand même amélioré à ce point-là. Fait qu'on a encore un peu de travail à faire de ce côté-là. Mais je pense que ça se sent bien. Mais c'est surtout cyclique, hein. T'es d'accord avec moi là-dessus que l'avantage numérique, c'est cyclique, hein. Peu importe le sport, là, on dit que c'est vraiment, là, c'est de trouver la bonne combinaison dans le fait, là. Ouais, en plein ça. Puis, on l'a trouvé, on l'a pas trouvé encore, on le sait pas. T'sais, on a scoré, je pense, un but ou deux dans 4 matchs, là, pas. OK. On a beaucoup d'essais à faire, puis Ben oui, c'est sûr. Là, en fin de semaine, c'est l'ouverture de la saison? Oui, la saison débute vendredi soir. Nous, on joue contre les Aiglons d'Alma à Alma et dimanche soir là, à Jonquière. OK. Est-ce que. Deux gros tests à partant. Est-ce que ça fonctionne la même affaire que Normandin? Parce que Normandin, dans le temps que je parlais des éperviers, là, on sait que la chasse dans le haut du lac, c'est vraiment fort. Est-ce que c'est le même principe un peu? Vous allez jouer plus de matchs en saison régulière, en début de saison à l'étranger, puis par la suite, ça va être pas mal plus équilibré en début de saison? Non, c'est pas mal équilibré. Là, si j'ai regardé l'horaire, puis c'est quand même assez bien équilibré là, à ce côté-là. Là. On joue 2-3 matchs à l'extérieur, 2-3 matchs à la maison. C'est quand même bien équilibré. Là. On n'a pas... On n'a pas un calendrier déséquilibré. OK. Donc, c'est-tu vrai, je parlais avec Hugo Maltès, 250 personnes la première rencontre. C'est du monde en tabarouette, ça? Ouais, ça, c'est la semaine passée, là, pas contre les Aiglons, mais contre les Éperviers de Normandin, là, 250 personnes au match. C'était quand même... C'est très, très bon. Ben, Jason, on se parle la semaine prochaine. Oui? Puis quand elle compte pas, il y en avait une 200 à peine. C'est quand même très bon. Jason, on se parle la semaine prochaine pour la chronique des Sables de Robertval. Voilà, donc c'est l'instructeur-chef des Sabres de Robert Val, Jason Lajeunesse.